39, activation orale, forme masculine et féminine. Mettez au féminin selon l'exemple. Vous entendez. 1. Il n'est pas idiot, mais il n'est pas très fin non plus. Mais vous dites. Elle n'est pas idiote, mais elle n'est pas très fine non plus. Allons-y. 2. Son cousin est un sale gamin. Sa cousine est une sale gamine. 3. Il n'est pas très malin. Elle n'est pas très maligne. 4. Son frère est très généreux. Sa sœur est très généreuse. 5. Il est très sérieux. Elle est très sérieuse. 6. Un peu ennuyeux aussi. Un peu ennuyeuse aussi. 7. Il est très fier parce qu'il est toujours le premier. Elle est très fière parce qu'elle est toujours la première. 8. Il n'est pas très frais. Elle n'est pas très fraîche. 9. Oh, tu n'es pas beau. Ah, tu n'es pas belle. 10. Tu es sourd ou quoi? Tu es sourde ou quoi? 11. Ben non, tu n'es pas vieux du tout. Mais non, tu n'es pas vieille du tout. 12. Mais si, tu es très amusant. Mais si, tu es très amusante. 13. Il est nouveau. Elle est nouvelle.